Quand l'entraînement des Bombers de Winnipeg est commencé depuis le 26 de mai et évidemment on va suivre les Bombers cette année en raison de la présence de Shane Gauthier de Tolbeau Mississini qui était le choix de quatrième ronde des Bombers. Question de savoir comment se débrouille Shane. On rejoint de Radio-Canada à Winnipeg Pierre-Gabriel Turgeon. Bonjour Pierre-Gabriel. Oui, salut. Ça va bien. Alors, comment Shane se débrouille? Ben, Shane a laissé une belle impression dès le départ à l'ouverture du camp des recrues vers la fin du mois de mai, donc le 25 mai. Mike O'Shea s'est dit extrêmement satisfait de ce qu'il a vu parce que, bon, Shane Gauthier, on le sait, c'est un petit joueur de football à 5-10. Pour un secondaire, c'est pas nécessairement la meilleure taille, si vous voulez, mais Shane Gauthier, vous le connaissez, c'est le premier à dire là, qu'il c'est pas sa... C'est pas sa taille qui va l'arrêter. D'ailleurs, il peut mettre une gageure là, sur les personnes qui peuvent l'arrêter. Ben, il va se faire un plaisir de le faire. Donc, ce qu'il a démontré avec le Rouge et Or de l'Université Laval, ce que Mike O'Shea, la direction des Bombers, ont vu de lui dans les règles universitaires, c'est exactement ce qu'il a produit sur le terrain lors du camp des recrues. Malheureusement, deux jours après l'ouverture du camp avec les vétérans, donc le 31 mai, il a subi une blessure à la jambe. Et ça fait en sorte qu'il est sur le terrain, mais il ne participe pas aux entraînements. Il regarde comme spectateur, finalement, le camp se dérouler sous ses yeux. Donc, ça fait maintenant une semaine qu'il est blessé. Et je peux vous dire que ça fait pas son affaire. Non, c'est sûr. Parce que là, les secondaires... Au camp des Bombers, il y en a 10. Shane Gauthier, lui, son but, c'est pas nécessairement d'être sur l'équipe en défensive pour sa première saison. Lui, ce qu'il souhaite, c'est au moins être utilisé sur l'équipe spéciale. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas en mesure de démontrer ce qu'il peut faire. Et ça le tracasse énormément. J'ai eu la chance de lui parler un petit peu pour comprendre finalement que ben il vit pas bien avec cette situation-là, puis il a hâte de guérir finalement pour démontrer à l'organisation qu'il a pas fait un mauvais choix. OK. Est-ce que c'est tu connais la gravité? Est-ce que ça va l'empêcher? Parce que là, les Bombers jouent contre les Alouettes, c'est mercredi match présenté à RDS en passant. Est-ce que on connaît la gravité? Est-ce qu'il devrait être en uniforme pendant pour le deuxième match contre Ottawa? Hein? Ouais, peut-être plus, ouais. Là, je pense que ça fait précipiter de penser qu'il va jouer mercredi contre les Alouettes, c'est sûr que si on pose la question à Shane Gauthier, lui, il voudrait dire, vous le connaissez, hein, cette foule qu'il a. Donc, ça serait peut-être un peu précipité contre Montréal. Possiblement contre Ottawa, Mike O'Shea, lui, souhaiterait évidemment le voir dans un des deux matchs. Question de pouvoir l'évaluer un petit peu plus. Mais... Voilà, l'histoire de Shane Gauthier, ça me fait penser un peu à l'histoire de Christophe Normand, qui est aussi un ancien joueur du Rouge et Or. Un autre choix également de quatrième tour des Bombers, qui lui, c'est pas la même position par contre, il joue du côté offensif, mais un joueur qui, l'an passé, s'est démarqué sur les unités spéciales, a vu plus de terrain en fin de saison. Et cette année, encore lui, ce qu'il souhaite, évidemment, c'est d'avoir un poste de partant au sein de la brigade offensive. Mais Shane Gauthier, si jamais c'est pas le cas, qui demeure avec l'équipe, on pourrait le voir sur les unités spéciales, puis ensuite de ça, peut-être l'année prochaine, être sur les lignes de côté pour jouer du côté offensive. OK. Est-ce que le fait de sa blessure, ça va l'empêcher de faire l'équipe? Ah ben ça, c'est difficile d'être à la tête de Mike O'Shea, c'est difficile d'être dans la tête de Carl Walters, le directeur général. Une situation comme ça, moi, j'ai pas vu ça souvent, là, un joueur repêché, blessé, qu'est-ce qui arrive par la suite. C'est vraiment, c'est juste vraiment malheureux, là, présentement, pour Shane Gauthier, mais si les Bombers l'ont sélectionné au quatrième tour, selon moi, ils ont de bonnes aspirations pour lui. Ils ont des attentes et je pense pas qu'ils laissent aller Shane Gauthier comme ça, même en raison d'une blessure. Je pense qu'ils vont le garder dans les girons de l'équipe jusqu'à temps qu'il soit remis. Okay. Puis advenant que il soit pas utilisé nécessairement sur les unités spéciales, je pense qu'il devrait être quand même au sein de l'unité d'entraînement. Ouais, ça. Et par la suite, ça prend pas grand-chose pour être sur les lignes de côté puis participer à un match. Donc, moi, je pense qu'il va demeurer dans les girons de l'équipe. Reste à voir là, à quel niveau, quelle sera sa participation. Ça, c'est le point d'intérêt. Est-ce que, Pierre-Yves, tu connais les unités spéciales? C'est Shane Gauthier, ce qui risque de sauver, c'est le fait que c'est un Canadien. Et ça a toujours été très clair que Shane Gauthier va faire l'équipe, ses unités spéciales. Il va commencer dans les Canadiens, ça va être sa porte d'entrée. Est-ce que dans les unités spéciales, de ce que tu vois actuellement dans l'équipe, est-ce qu'il y a un autre Canadien qui pourrait faire la lutte à Shane? Ben oui, il y a John Ross qui occupe la même position que Shane, qui c'est sensiblement la même stature, un petit peu plus grand du côté de John Rush, mais puis ça a aussi été le joueur par excellence en défensive l'an dernier, John Rush. Donc du côté des universités canadiennes, John Rush pourrait être ce joueur-là qui se taille aussi un poste. Ben, est-ce que c'est au détriment de Shane Gauthier? C'est dur à dire. Hein? C'est le temps qui nous dira. Mais sur les unités spéciales, la chose avec les unités spéciales, là, c'est souvent du côté des amateurs, on peut penser que c'est pas très glamour d'être sur les unités spéciales, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Les unités spéciales, comme tu as mentionné, c'est la porte d'entrée, puis quand on fait bien sur les unités spéciales, ben c'est là qu'on a des chances finalement de se faire valoir. Soit du côté offensif ou du côté défensif. Mais l'attitude de Shane Gauthier, c'est ça qui va faire foi de tout. Puis Shane Gauthier, présentement, ce qu'il peut faire, c'est d'étudier le livre de défensif, savoir son playbook, comme il pourrait dire, puis à garder une attitude positive. C'est les seules choses que Shane Gauthier peut faire présentement, pas s'apitoyer sur son sort. Et ça pourrait sauver Shane Gauthier d'une éventuelle coupe, mais ça me surprendrait énormément que ça soit ça. On aura l'occasion de s'en parler là, si jamais c'est le cas, mais pas très inquiet pour l'avenir de Shane Gauthier. OK. Les Bombers, 5 victoires, 13 défaites l'an passé. Fish, ça a été difficile. Winnipeg, c'est quand même une équipe qui a quand même une belle tradition de gagnant. C'est pas les Eskimos d'Edmonton quand même. Mais vous étiez à deux matchs de Calgary, de BC qui a fait les séries. Vous auriez même pu, à la limite, même traverser dans... pas loin de traverser dans l'Est. Pour jouer le match de demi-finale. Est-ce qu'il y a eu des changements importants cet hiver à Winnipeg? Oh là là, les changements importants, il y en a eu plus qu'un. Juste au niveau offensif, là, il faut dire une chose. C'est que l'an dernier, là, Drew Willey a été blessé pour plus que la moitié de la saison. Puis ça fait excessivement mal. On a senti l'équipe s'écrouler littéralement là, suite à cette blessure-là, parce que ça allait quand même bien quand Drew Willey, le corps arrière, était au sein de l'alignement. Ce qui n'a pas été facile du côté des Bombers l'an dernier, c'est aussi au niveau de l'attaque au sol. Et là, ça, on a réglé la situation. Les Bombers sont allés chercher Andrew Harris, qui est un gars de Winnipeg, qui va jouer chez lui, qui avec les Lions, on lui a dit, on va passer à un autre appel. Donc, les Bombers ont sauté sur la situation pour l'inviter à venir avec les Bombers. Il a accepté le défi. Il est en super forme, Andrew Harris. Donc, je pense que de ce côté-là, il en reste peut-être pas beaucoup de saisons, Andrew Harris, mais il en reste au moins deux où il devrait être parmi les 10 meilleurs. Facilement 10 meilleurs parce qu'il y a 8 équipes, là, 9, en fait, dans la Ligue canadienne, mais il devrait être parmi les meilleurs porteurs de ballon. L'autre problème de l'année dernière, c'est qu'il n'y a personne qui a frappé le ballon du côté des Bombers. Et cette année, Ryan Smith Weston. Les deux joueurs étaient avec les Rough Riders de la Saskatchewan l'an dernier. Les deux s'amènent ici en tant que joueurs autonomes. À eux seuls, l'an dernier, là, il y avait le plus. Si on compare les gains par la passe, le nombre de verges gagnées, ils ont cumulé la moitié de ce que les Bombers ont fait l'an dernier. Donc, c'est ça, à ce niveau-là, ça devrait encore une fois aider les Bombers. C'est pas nécessairement des receveurs qui sont très grands, mais ce sont des receveurs qui sont très rapides. Donc, ça pourrait aider effectivement les Bombers. Du côté défensif aussi, il y a eu des ajouts qui pourraient faire tourner le vent de côté. Et je vous dirais que l'ajout qui pourrait faire peser, qui pourrait peser dans la balance, là, c'est le joueur Justin Medlock qui s'en vient à Winnipeg, ben, qui est arrivé, mais qui pourrait faire une grande différence au sein des unités spéciales. Parce que l'an dernier, il y a plusieurs matchs que les Bombers ont perdu en raison de leur moteur. Et cette année, ils ont un, ou sinon le meilleur moteur dans la Ligue canadienne de football. Et ça, ça pourrait faire une grande différence lors des matchs. Donc, ici à Winnipeg, je dirais que les partisans s'attendent à quelque chose de supérieur à l'an dernier. Une fiche de 500, ça serait déjà acceptable. Ça serait déjà un bon pas dans la vie, dans la bonne direction. Il faut dire que ça fait longtemps que les Bombers n'ont pas fait les séries, qu'ils n'ont pas fait les éliminatoires ici. Ça devrait être cette année. Mais la boule de cristal, je te dirais que des fois, est un peu embrouillée. Pas assez clair, c'est clair. On verra ce que ça donnera, mais on peut compter parmi les Bombers parmi les bonnes équipes cette année que l'on va dans la Ligue. OK. Ben, Pierre-Yves Turgeon de Radio-Canada Winnipeg, gros merci pour sa parole à la fin du camp d'entraînement. De Radio-Canada Winnipeg, Pierre-Yves Turgeon.